Chapitre 29e, la nomination de Monsieur Frank. Nous entrons dans la troisième et dernière partie de notre histoire. La lutte des Halliburton contre l'adversité allait porter ses fruits, leur combat cessait, ils allaient jouer un rôle dans le grand drame de la vie. Les chagrins de Jane touchaient à leur fin. Vous est-il jamais arrivé de remarquer que certains événements, en approchant du dénouement, s'avance avec une rapidité bien différente de la marche lente des premiers temps. Il en était ainsi de l'histoire des Halliburton. Le temps nous manque pour raconter la vie de Frank et de Gar à l'université, leur patience et leur persévérance infatigable. Ils avaient travaillé, ils avaient appris, ils avaient résisté aux tentations, ils avaient supporté les mortifications et les dédains attachés à leur position inférieure. « Je prendrai ma revanche quand je serai grand chancelier d'Angleterre », disait Frank en riant. Frank avait compté sur des honneurs. Il les obtint. Il était entré humble servant à Oxford. Il en sortit homme de science et de talent. Il voulait suivre la carrière du barreau. Ses appointements d'agrégé ne lui suffisant pas, il se mit à écrire des articles pour des journaux et des revues littéraires et augmenta ainsi ses ressources. Gar aussi avait quitté l'université et avait été consacré par l'évêque de Helstonleigh. Il était impossible de rencontrer un jeune homme plus accompli sous le rapport moral et intellectuel. Après sa consécration, deux places lui furent offertes. Son oncle Francis Tate, qui, comme son père avant lui, avait, après bien des années de labeur, obtenu un bénéfice, lui proposa le poste de suffragan. Mais un pasteur du canton de Helstonleigh, lui ayant fait la même offre, Gar, tout en remerciant son oncle, accepta la seconde place. Le rêve d'ambition de William, ce rêve qu'il n'avait pas osé caresser, était atteint. Il était l'associé de M. Ashley. La principale raison de commerce était Ashley et Halliburton. Ashley et Halliburton. Et l'événement était arrivé si naturellement, si graduellement, que Helstonleigh, en l'apprenant, n'avait éprouvé aucune surprise. William ne recevait encore qu'une part relativement minime des bénéfices. Helstonleigh n'en savait pas le chiffre et s'ingéniait vainement à le deviner. On savait seulement qu'une autre part était assurée à Henry à la mort de M. Ashley. William était en réalité le seul propriétaire de la fabrique. M. Ashley s'était en grande partie retiré des affaires. Samuel Lynn était, comme autrefois, le directeur de la manufacture. M. Ashley avait acheté le château de Deofam, situé à une lieue environ de la ville, et l'habitait avec sa famille. Il avait conservé sa demeure sur la route de Londres, et venait de temps à autre y passer une semaine. Ce changement de résidence n'avait pas été entièrement du goût de Henry. Il était devenu si attaché à William qu'il ne pouvait plus se passer de lui. Autrefois, les visites de William étaient journalières. Maintenant, elles n'avaient plus lieu que deux ou trois fois par semaine, et pour Henry, cela ne suffisait pas. Marie Ashley, à la grande surprise de Helstonleigh, n'était pas mariée. Elle refusait obstinément de quitter la maison paternelle. William et sa mère vivaient seuls ensemble. Ils défrayaient toutes les dépenses, et il avait insisté pour qu'elle renonçât à toute occupation. Celle qui avait tant travaillé pour ses enfants devait se reposer, maintenant qu'il pouvait travailler pour elle. Jane, en songeant au passé, se demandait comment elle avait pu lutter ainsi. Dieu l'avait certainement beaucoup aidée et fortifiée. Était-ce par un pressentiment de l'avenir que son père, bien des années auparavant, le jour même où son mariage avec M. Halliburton avait été décidé, lui avait dit qu'elle aura peut-être bien des chagrins. À qui le sait? Une chose certaine, c'est qu'elle en a vu sa large part. Mais ils étaient passés, et les fils de Jane réussissaient aussi bien que si pour les élever elle avait eu de la fortune. Peut-être mieux. Oui, peut-être mieux. Qu'on réfléchisse à ce simple mot. Ceux qui liront cette histoire, y puiseront-ils quelque enseignement? Plus d'un jeune homme maltraité par la fortune ne pourrait-il pas en faire son profit? Les pierres, les ronces et les broussailles du dernier rêve de M. Halliburton étaient placées sur la route pour être surmontées et non point évitées. Fût-on du coup père, il faut avoir un but devant soi. L'homme qui n'en a point est l'être le plus à plaindre de la terre. Qu'il soit seulement ferme, résolu, persévérant, et le but, quelque chimérique qu'il ait pu paraître au premier abord, sera atteint. Mais pour y arriver, que celui qui travaille sollicite la bénédiction de Dieu sur ses efforts, qu'il fasse de Dieu son ami, il réussira comme les fils de Madame Halliburton. Jane était un soir assise seule dans son salon. Elle n'avait guère changé. En la regardant, personne n'aurait pu croire qu'elle fût la mère de ses trois grands-fils. Ses cheveux étaient aussi unis et abondants que dans sa jeunesse. Elle vit le facteur arriver à la porte et Dobbs apporter une lettre. « C'est l'écriture de M. Frank, » fit Dobbs. Jane l'ouvrit. « Ma mère chérie, je suis à la fin avocat en titre et je viens te l'annoncer en toute hâte. J'ai été nommé aujourd'hui et je compte me faire photographier avec ma robe et ma perruque et t'envoyer mon portrait en confirmation du fait. Quand tu le recevras, tu auras peine à croire quel vilain garçon je suis ainsi accoutré. Dis-le à Dobbs, cela lui réjouira le cœur. Tu te souviens comme elle nous assurait, lorsque nous étions petits garçons, qu'on devrait nous mettre sous cloche, comme trois spécimens de laideur. Je ferai mon chemin, mère chérie. Je devrais lutter, mais ne crains rien. Une maison importante vient déjà de me confier quelques procès. Un de ces jours, je surprendrai la cour comme un orage. J'enlèverai le jury par mon éloquence et ma fortune sera faite. Je ne puis pas te dire en combien de temps j'y arriverai, mais je te dirai que mon premier objet, une fois que je serai riche, sera d'enrichir et de rendre heureuse ma bonne mère. William ne va pas tout faire et avoir pour lui seul cet honneur. À propos de William, demande-lui s'il ne pourrait pas avoir quelques petits procès, afin que j'aie l'honneur de plaider pour lui aux prochaines assises. Je le ferai sans paiement, gratis et pour rien. Ton fils affectionné, Frank. Jane bondit à la joie à la lecture de cette lettre. À qui pouvait-elle en faire part? Elle courut dans la maison voisine. Patience boitait encore un peu, elle devait boiter toujours. Anna, dans son bonnet de coque grasse, dont la bordure cachait son joli front, leva les yeux de dessus son dessin. Jane leur annonça la nouvelle et leur lut la lettre. « C'est charmant, » dit Patience. « Ce doit être un grand poids de moins sur toi. » « Je ne sais trop, » répondit Jane. « Je n'avais jamais douté de sa réussite, mais je suis si contente. »« Je voudrais bien avoir un procès, » s'écria Anna, qui avait recouvré toute sa gaieté et tout son babil. « Je prierai Frank de le plaider pour moi. »« Voulez-vous venir prendre le thé avec moi, Anna ?» dit Jane. « Je serai seule ce soir. » William est allé au château de Deofam. « J'irai, » répondit Anna en soignant ses crayons avec empressement. À vrai dire, elle aimait tout autant qu'autrefois sortir et ôter son bonnet pour laisser tomber ses boucles. Elle avait repris sa place dans la bonne opinion de Helstonleigh. Elle avait profité de la leçon et était devenue plus sage et plus réservée.